Arrive alors chez Bartolo, Basile, un fourbe expert en calomnie, maître de chant de Rosine, comme je vous le disais plus haut. Il révèle au tuteur la présence à Séville du comte Almaviva, celui-là même qui faisait chercher Rosine dans tout Madrid. Bartolo décide alors de précipiter son mariage avec Rosine et confie à Basile, moyennant finances supplémentaires, de s'occuper de toutes les formalités pour que le mariage ait lieu le lendemain. Quand Bartolo raccompagne Basile, Figaro, qui a tout entendu de la salle de clavecin, a juste le temps de promettre à Rosine qu'il fera obstacle à ce projet de mariage, que Bartolo revient.